conscience que t'es en train de te défoncer la gueule, mais on n'a pas le temps. Te défoncer la gueule, mais on n'a pas le temps. que c'est. J'ai volé toute la journée, mec. Tu fais au moins, je sais pas, 5 km. Tout ça sur ta petite chèvre, là. Ouais. Tiens, attends. Alors, écoute, je suis pas un dealer, moi, ok? C'est clair. Je te vends le chouban et la beuh est offerte. Ok. Comme ça, je deal pas. Ok. Ok. Bon, alors là, t'as 250 grammes de beuh, ok? Et là, j'ai un 12, là, tu vois. Tu vois, ça c'est un 12, ok? Non, c'est un 25. Un 12. Bon, ça c'est un 12 et ça c'est un 25. Ça c'est un 12, voilà. J'ai encore fait une boulette. Ouais. Et j'ai un truc là, ça, de la vraie dynamite. Où est-ce qu'elle est? Ah, ouais, c'est là. Elle est là, voilà. La dynamite. De la dynamite, ça colle au plafond, ça. Méchant! Ça, c'est ce que j'appelle du matos, bonhomme. Ouais, encore c'est rien à côté de ça. C'est quoi cette crotte de nez? Ça, tu vois, ça tient un cruce dans ton plafond. C'est africain, c'est de la bombe atomique.